Vous écoutez Futur Simple, toujours sur CKRL 89.1. Et après ce petit tour du monde gastronomique, on va faire un autre voyage avec le papillon monarque. Les populations de ce papillon sont en déclin, mais Mélanie Jean a des conseils pour l'aider lorsqu'il va nous venir chez nous, nous visiter. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Ben oui, tout à fait. J'ai pensé, comme le printemps est enfin à nos portes, je me suis dit, tiens, je vais vous donner des petits conseils si vous aimeriez avoir un oasis à papillons dans votre cour. C'est une très bonne idée. Parce que chaque année, le papillon monarque, c'est un papillon qui effectue l'une des plus longues migrations au monde à travers l'Amérique du Nord, du Mexique jusqu'au Canada. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'embûches sur son chemin et si on l'aide, ça peut faire une différence. Okay. Et il y a eu un constat à l'hiver 2013-2014, c'est que le nombre de papillons monarques qui hivernent au Mexique a énormément diminué et même a plongé à son plus bas niveau depuis 1993. Et le déclin de la population des monarques constitue dorénavant vraiment une tendance là qu'on peut dire à long terme. Et ça peut pu être seulement attribué à des facteurs annuels ou saisonniers. Là, on pense à l'étalement urbain, la déforestation, l'utilisation de pesticides. C'est les principales menaces des papillons et je parle pas seulement du monarque, là. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner un coup de pouce à ce magnifique papillon? Ben, il est encore temps d'agir heureusement pour sauver l'espèce qui effectue la plus grande migration du monde. En fait, tout le monde peut faire une petite différence simplement en favorisant dans sa cour des plantes qui sont utiles aux papillons monarques et aussi à beaucoup d'autres pollinisateurs. Donc, voici un petit, on pourrait dire un petit mode d'emploi pour vous aider à créer un jardin qui va attirer les monarques. Bon, d'abord, il faut commencer par identifier un endroit qui est ensoleillé et qui sera aussi un peu à l'abri du vent. Et les papillons comptent beaucoup sur la lumière du soleil pour réguler leur température et ils vont tirer aussi l'énergie du soleil pour voler et pour se nourrir. Okay. Donc, c'est important que votre jardin soit ensoleillé. Ensoleillé et à l'abri du vent un peu. Exactement. Et les papillons adultes vont avoir besoin de plantes à nectar et les chenilles, elles, se nourrissent d'une seule espèce, l'asclépiade. OK. L'asclépiade, c'est une plante, c'est une plante qui va être primordiale dans votre jardin à papillons parce que ça dépend, le papillon monarque va en dépendre pour sa survie. Parce qu'une fois éclos, la chenille va manger uniquement cette plante. OK. Donc, si vous en plantez pas, vous en aurez pas. Et c'est une plante qui était autrefois très abondante dans les champs, dans les terrains vagues et partout en Amérique du Nord. Mais malheureusement, ça fait de plus en plus rare aujourd'hui parce que justement, les champs commencent à être de plus en plus rares. Ah, okay. L'étalement urbain est beaucoup... en est beaucoup détruit, c'est en fait. Ça. Puis là, il y a la disparition graduelle de cet habitat-là en Amérique du Nord, ben ça présente un réel danger pour les monarques parce que eux ils sont à la recherche de cette plante-là pour c'est sur cette plante-là qu'ils vont déposer des œufs pour que la chenille puisse se nourrir. En fait, l'asclépiade est cruciale pour les chenilles, mais est-ce que tu as d'autres plantes à nous recommander pour les papillons adultes? Oui, bien sûr. Vous pouvez choisir d'autres plantes qu'on appelle nectarifères. C'est des plantes à nectar. Indigènes de préférence, ça veut dire qu'ils poussent ici à l'état naturel, parce qu'ils vont bien résister à notre climat et ils nécessitent vraiment pas beaucoup d'entretien. Les monarques adultes, ben, ils s'alimentent en butinant le nectar des fleurs. Donc, une bonne variété de plantes nectarifères, c'est un atout précieux pour votre jardin. Si l'espace le permet, diversifiez vos plantations en optant pour et des vivaces et des annuelles, ainsi que des arbres et des arbustes aussi, c'est important. Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner? Oui. Vous pouvez planter l'achillée millefeuille. Ça, c'est une espèce de plante herbacée qui est vivace, qui a une fleur blanche, qu'on voit souvent dans les champs ou les terrains abandonnés. C'est une grande plante là, qui mesure, dont la tige a au moins 1 mètre de haut. Puis on l'en voit vraiment souvent dans les terrains abandonnés. Vague, c'est ça. Oui. Okay. Cette plante-là dépend entièrement des insectes pollinisateurs pour se reproduire. Donc, en plus, vous allez donner un coup de main à ces plantes-là parce qu'ils se rendent un service mutuel. Okay. Il y a aussi l'échinacée pourpre. Ça, c'est une plante vivace qui est aussi indigène d'Amérique du Nord. Cette plante-là possède d'ailleurs des propriétés médicinales parce que ça faisait partie de la pharmacopée traditionnelle des indigènes d'Amérique du Nord. Et ça, depuis vraiment longtemps, on dit depuis le 18e siècle, mais on pense même avant. En fait, c'était utilisé pour renforcer les défenses immunitaires et pour prévenir les rhumes et les grippes. Ben, la fameuse échinacée, là, pharmacie, c'est la même famille. Là. OK. Et c'est une jolie plante, vous irez voir sur Internet, là, Echinacea, c'est vraiment une jolie plante. Il y a aussi l'aster de la Nouvelle-Angleterre. Mm-hmm. C'est aster, en fait, là, de la Nouvelle-Angleterre. Okay. Ça, c'est une plante qui est très rustique puis qui est très facile à cultiver. Elle est habituée à nos climats. C'est une plante qui est vivace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle va fleurir en automne. Donc, les plantes que je vous ai parlé précédemment fleurissent plus là l'été. Donc, ce qui est intéressant quand on fait un oasis ou un papillon ou même juste un jardin pour soi, là, sans que ce soit pour les papillons, ce qui est intéressant, c'est de prendre des plantes qui sont différentes, qui ont des floraisons différentes. Ben oui, à différentes périodes, donc ça, on a des fleurs tout le c'est temps. C'est ça. Ah-ha. Et puis, d'ailleurs, l'aster de la Nouvelle-Angleterre résiste quand même assez longtemps, là, jusqu'en octobre, octobre. Okay. Le premier gel devrait peut-être même pas la tuer. C'est une plante aussi qu'on appelle mellifère. Ça vient du mot miel. Ça nourrit beaucoup d'insectes en automne, qui est d'ailleurs, c'est bien parce qu'à cette saison-là, ben, il y a beaucoup moins de nourriture de disponible. Je parle au niveau des plantes. Donc, c'est un atout. Les asters sont souvent couverts de papillons à cause justement de leur popularité là, à ce temps-là de l'année. Okay. Hein, comme c'est pratiquement la seule espèce. Une des, il y en a plusieurs, mais tu sais, qui attire les papillons, ben là, qui fleurit en automne, là, on a comme plusieurs critères. Là, des... Fait que là, ça fait un atout de plus, puis des fleurs tout l'été. Mm-hmm. Et il y a aussi une plante qui s'appelle eupatoire. Et ça, c'est intéressant parce que ça a été longtemps considéré comme une mauvaise herbe. Mais c'est, vous irez voir sur Internet, eupatoire, c'est vraiment une jolie plante. Parce que là, elle devient vraiment populaire. Mais à l'état sauvage, là, elle se trouve pratiquement dans toute l'Est et le Nord du Québec. Puis là, elle devient de plus en plus populaire parce que là, c'est une plante vivace, d'ailleurs. Et ça devient populaire. Elle aussi fleurit un peu plus vers l'automne. Puis on la retrouve autant en Europe, en Asie qu'en Amérique du Nord. Donc, c'est une autre plante, un peu comme l'aster, là, qui a un avantage de fleurir un petit peu plus tard. Fait que vous allez avoir des fleurs un peu plus tard dans l'année. OK. Et en fait, j'imagine que dans ce jardin, on doit bannir les pesticides. Oui, c'est vraiment important, là, parce que faut être tolérant avec les insectes. Il faut déloger les indésirables de façon, soit avec un jet d'eau, soit manuellement. C'est pas recommandé d'utiliser des pesticides parce que là, vous allez tuer les chenilles, puis les papillons, puis aussi d'autres insectes qui sont bénéfiques. Donc, si vous créez un oasis pour les papillons, bien, en fait, vous posez vraiment un geste concret pour assurer leur survie. Puis en plus, vous profitez d'un joli spectacle quand vous allez manger sur votre terrasse ou juste vous promener dans votre cour. Oui, tout à fait. Nous avons aussi, outre les montagnes du Mexique, en fait, que tous les endroits où le monarque fait état bien, sont importants pour la survie de l'espèce. Oui, vraiment. Donc, c'est faut conscientiser. Faut pas. C'est sûr que nous, ici, on fait attention, mais il faut que partout où le papillon... passe dans sa migration. Là. Si les gens sont conscientisés, ben ça prend pas un jardin immense, là, juste un peu quelques fleurs, puis ça lui donnerait un coup de pouce. Puis c'est en plus une façon écologique de sauver la planète. C'est un fait. Ben, je te remercie beaucoup, Mélanie. C'est alors, un plaisir. On va faire une petite pause en publicité, oui, sur CKRL 89.1. Et au retour, on vous parle de Didymo.